Un mal, chapitre 18. Ils se revirent. Le mystère des rendez-vous ajoutait à la douceur d'être l'un près de l'autre. Ils s'attendaient dans le bois au profond des fourrés, ayant des cachettes comme des coupables. Et ils jouissaient délicieusement de s'aimer autrement que les autres, à la faveur de l'ombre et du silence. L'heure avait aussi des charmes pour eux. Ils évitaient la pleine clarté, les paysages du plein midi qui auraient pu les trahir. Ils étaient bien plus seuls au tomber du jour. La complicité du soir alors les défendait. Ils se sentaient protégés par la barrière épaisse des bois noirs. Elle imagina des raisons pour sortir librement. La fille du fermier des Oserets, Célina, lui fut un prétexte plausible. Elle s'était prise pour cette Célina d'une subite ferveur d'amitié à laquelle ni Hulotte ni ses fils ne trouvaient à redire. Cela leur semblait naturel que les deux jeunes filles fussent amies, ayant toujours été bonnes camarades, avec cette familiarité que le voisinage met entre gens de même fortune. Puis, on ne sait pas, un des garçons pouvait faire son affaire de cette amitié qui avait l'air de si bien les unir. La demoiselle au Malouin était un parti sérieux, et le père était connu pour un brave homme. Un rapprochement entre les deux familles devait amener forcément de bons résultats. C'était là l'idée du fermier Hulotte, et il prenait des manières engageantes quand Célina arrivait à la ferme. En réalité, Germaine ne voyait pas Célina aussi souvent qu'elle le disait. Le plus ordinairement, elle entrait chez les Malouins, comme on va en visite, et n'y restait que peu de temps. Des impatiences faisaient titiller ses doigts quand la fermière insistait, l'obligeait à prendre de la bière ou du café. Elle s'asseyait alors, les paupières battantes, furieuse qu'on fût dupe de sa comédie. Enfin, une raison se présentait de s'en aller, elle se levait. Quelle joie une fois dehors, libre! Célina avait le cœur prompt à l'attendrissement. Vivant un peu loin des maisons, elle fut touchée de cette passion soudaine de Germaine pour elle. Un besoin d'amour, de confiance tourmentait sa nature tendre. Elle dédia à Germaine les élans de son gros cœur de paysanne. Une fois comme elle se promenait sous les aubépines, son émotion la grisa au point qu'elle lui prit la main, tout en larmes, et lui avoua que de longtemps elle n'avait pas été aussi heureuse. Le beau droguiste était demeuré dans sa pensée. Elle en parlait avec l'abondance des espoirs déçus. Germaine n'était pas gagnée par ses effusions. Elle lui en voulait plutôt de ne pas s'apercevoir qu'après tout, ce n'était pas pour l'entendre roucouler ses chansons qu'elle, Germaine, venait aux Oserets. Elle avait la cruauté des amants heureux. Une chose unique l'emplissait, ses rendez-vous avec Cachapret. Le reste de la terre n'existait pas. Dépitée que cette petite Célina se mit tout le temps avec elle, dans des états ridicules, elle haussait les épaules, pinçait les lèvres, avait toute la peine du monde à ne pas la rudoyer. Célina ne voyait rien. Ses yeux pâles et mouillés semblaient faits pour flotter dans des atmosphères vagues, par-dessus les choses réelles. Elle revenait à Germaine avec l'obstination humble du chien que ne rebute pas les coups. Il arrivait néanmoins que Germaine céda à des moments d'abandon. Dans un moment invincible de confidence, elle aurait voulu l'écraser sous ses bonheurs d'amour, la faire saigner au récit de ses rendez-vous, être pour elle un objet d'admiration profonde. Une clarté noyait alors ses yeux. Elle posait sur Célina son sourire tranquille. Des aveux lui montaient aux lèvres. Et elle restait à la regarder, toute frémissante, la bouche ouverte, comme pour parler. Ce qui la rendait indécise, c'était de commencer. Elle cherchait le premier mot, mais une défiance s'emparait d'elle tout à coup. Le sourire s'effaçait au coin de sa bouche, son œil redevenait sec, et elle se renfermait dans son silence prudent de paysanne. Cette petite Célina n'aurait eu qu'à bavarder, cela ferait un beau grabuge. Et elle la plantait là, avec un large dédain de la savoir ignorante des choses qu'elle connaissait. Célina, de ses yeux étonnés et doux, la regardait partir, trouvant toute chose naturelle de sa part. Elle ne se gênait pas d'ailleurs pour dire aux gens avec une conviction naïve qu'elle était peu de chose à côté de cette grande fille brune. Elle s'était amourachée de ses larges épaules, de ses mouvements brusques où perçait une virilité lointaine. Elle, au contraire, était blonde, petite, l'épaule un peu déjetée, avec une sorte d'infériorité dont elle ne souffrait pas, mais qui grandissait encore germaine. Elle lui disait « T'es bien au-dessus de nous, toi. T'es belle, t'es presque aussi belle qu'un homme. » Germaine trouvait dans ces mots un écho de ce que lui répétait sans cesse Cachapret. Cette admiration d'une fille simple lui donnait des satisfactions vaines. Elle la questionnait alors, riant, heureuse, lui demandant ce qui était beau chez elle. Et Célina répondait « Je ne sais pas, t'es belle, v'là tout !» Cela lui suffisait du reste. Autrefois, elle avait bien souvent interrogé son miroir avec inquiétude, au temps où la pensée de l'homme la travaillait. Elle s'était trouvé le nez gros, les sourcils trop fournis, le menton insuffisamment ovale. Mais à présent, elle se savait belle. L'amour lui avait appris à considérer son corps comme un outil merveilleux. Elle connaissait l'empire que la beauté exerce sur les cœurs. Et seule dans sa chambre, elle s'admirait par moments, orgueilleuse et frissonnante. Elle finit par dominer entièrement Célina. Le garde, son père, réapparaissait dans cette fierté impérieuse qui était le fond de son caractère. Elle aimait commander. Elle avait la voix brève des gens qui savent ordonner. Et Célina, toujours troublée par le désir de l'homme, subissait avec un charme étrange les violences douces de cette femme qui avait sur elle l'ascendant de la force et de la résolution. Elle lui faisait à présent des recommandations. Il ne faudrait pas qu'elle s'avisât de la trahir, sinon elle deviendrait son ennemie au lieu d'être une bonne amie comme elle l'était. Célina, ne comprenant pas bien de quelle manière elle pourrait la trahir, Germaine lui expliqua le mot, dans un sens que Célina ne comprit pas davantage. Et la pauvre fille continuait à la regarder, ahurie d'être si bête. Alors Germaine précisa. « Mais oui, comprends donc, si j'avais un amant, est-ce pas? Et que t'irais le dire? Tu me vendrais. » Célina haussa les sourcils. « T'as un amant? C'est une supposition, mais ça peut arriver. » Seulement, faudrait pas le dire. Et elle partit de là pour lui défendre nettement de rien révéler du temps qu'elle passait ensemble, ni des heures auxquelles elle arrivait, ni de celles auxquelles elle partait. Chacun a ses petites affaires. On n'aime pas que les gens y mettent le nez. Bien sûr, répondit Célina, perdue dans ses songeries. Germaine la quittait ensuite pour aller rejoindre Cachapret. Quelquefois, Célina s'offrait à l'accompagner. Elle avait une manière un peu brusque de la repousser alors. Cependant, elle n'osait pas toujours. Célina lui prenait le bras et elle marchait quelques instants ensemble, jusqu'au moment où Germaine, n'y tenant plus, la renvoyait d'un mot décisif. Seule, enfin, elle s'enfonçait dans le bois avec une joie extraordinaire. Ils variaient leur rendez-vous pour n'être pas surpris, choisissant tantôt un arbre aisément reconnaissable, un sentier dans un taillis, ou bien un embranchement de chemin. D'abord, elle s'avançait lentement, avec précaution, regardant de tous côtés. Des formes d'arbres avaient des silhouettes humaines dans la demi-obscurité du crépuscule. Il lui fallait un peu de temps pour s'enhardir. Mais bientôt, l'impatience la gagnait. Elle se mettait à courir, enjambant les bruyères, coupant court à travers l'embroussaillement des taillis. Des branches accrochaient sa robe, elle avait un petit frisson de peur, et tout à coup, haletante, la chair en sueur, elle le voyait apparaître. C'était des bonheurs. Il lui disait qu'il l'attendait depuis des heures, sans oser bouger. Il ne lui faisait pas de reproches, il était bien trop content de la voir. et elle se sentait remuée dans ses entrailles d'être ainsi aimée. Il la prenait dans ses bras, la portait, riant, bégayant, pris de folie. Toute robuste qu'elle était, elle pesait le poids d'une plume dans ses larges mains. Il goûtait un plaisir farouche à la tenir contre lui, longtemps. « Si je te lâchais plus !» lui disait-il. Elle lui donnait des tapes sur la tête ou bien le bras autour de son cou, posé sur sa nuque, sa bouche chaude. Elle répondait « Ça va, garde-moi pendu après toi !» Ses bras l'étreignaient alors à la briser. Il avait des élans d'amour sauvage. Les baisers qu'il lui donnait étaient douloureux comme des morsures. Il ouvrait la bouche sur sa chair, les mâchoires secouées d'un tremblement. Et il lui répétait à satiété qu'il mourrait si jamais elle cessait de l'aimer. On verrait sa carcasse quelque part sur le chemin, ou bien pendue à un arbre. Et il se meurtrissait avec les ongles pour lui montrer combien peu il tenait à son corps. Elle se jetait sur lui, retenait ses mains, le suppliait avec colère de croire à elle. « Quand je te dis que je t'aimerai jusqu'en enfer !» Il la regardait, les yeux fixés sur sa bouche, toute sa face dilatée dans une clarté, et balbutiait « Dis-moi ça toujours si c'est vrai !» Elle ne le lui disait jamais assez. Il mettait son visage contre le sien, dardant ses regards aigus, et l'obligeait à lui répéter constamment la même chose. « Voyons, là encore, regarde-moi bien en face !» Quelquefois il l'arrêtait. « Non, t'as pas bien dit cette fois !» Elle le battait, impatientée. « Grande bièce !» Puis, un peu de tristesse le prenait. « T'as raison, je suis qu'une bête. Mais quand je pense que ça peut venir, que t'aurais plus rien pour moi, ben, je sens ma tête qui tourne comme un moulin. » Elle haussait les épaules. Ils demeuraient ensemble jusqu'à l'ombre pleine. Le silence s'abaissait autour d'eux, sévère sur leur isolement. Leur visage découpait une tache plus claire dans le noir. Ils s'asseyaient l'un près de l'autre, regardant augmenter cette blancheur et se chuchotant des choses caressantes à mi-voix. D'autres fois, muets, ils écoutaient frissonner le bois au fond de cette marée qui petit à petit s'élargissait de la terre au ciel. Et rien ne leur était bon comme d'être à chaque instant un peu plus englouti dans l'énorme vague obscure. C'est elle qui lui rappelait l'heure, toujours. « Déjà ?» disait-il, et il se lamentait, ne pouvant se résigner à la séparation. Il prenait sa tête à deux mains avec désespoir et suppliait Germaine de rester encore. Ou bien il l'emprisonnait dans ses bras, et riant de son mauvais rire, il lui criait « Pars, Aster !» Elle devait le supplier à son tour de la lâcher. Elle invoquait des raisons, son père, ses frères, la nécessité d'être prudente. Il s'emportait, piétinait de colère, cognait les troncs d'arbres à coups de poing, et une jalousie s'en mêlant. « Eh ben quoi, tes frères? Est-ce que t'aimes mieux tes frères que moi, ton homme ?» Elle se fâchait. « J'en ai assez, laisse-moi !» Cette volonté le rendait soumis, avec un peu de lâcheté. Ses mains se détendaient autour des poignets de Germaine. Chargée de tendresse, elle la caressait au lieu de l'étreindre. Et il poussait des soupirs tristes pour l'attendrir, sans plus chercher à lui faire violence. Il l'accompagnait jusqu'à la lisière du bois. Quelquefois, elle était troublée à la pensée de rentrer. Et cela mettait un peu de froideur dans ses adieux. La jalousie le reprenait alors, et il la suivait de loin, la voyant traverser la cour de son pas tranquille et disparaissait dans la maison. Il était sûr d'elle ces fois-là.